بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vraiment, c'est un bel cadeau qu'Allah Ta'ala fait de nous, ce cadeau qu'appelle l'islam là. C'est un bel faveur qu'Allah Ta'ala fait de nous, qu'il fait de nous croire dans l'islam. Et pour cela, nos bonnes soeurs, nous besoin de remercier Allah Ta'ala beaucoup. Parce que comme nous connaissons beaucoup de monde au salat et Allah fait une privée avec ce cadeau là. Beaucoup de monde au salat et Allah pas croire dans l'islam. Allah pas fait une autre iman dans l'islam. Mais alhamdulillah, tout est l'ose pour Allah. Nous remercions Allah Ta'ala beaucoup qu'il fait de nous ce iman là. Il fait de nous l'islam. Il fait de nous croire dans l'islam. Et ça même dit qu'Allah Ta'ala content. Ça même dit qu'Allah Ta'ala reconnaît ces dîn islam. Dans Surah 3, ayat numéro 19, Allah Ta'ala dit Inna ad-din 'inda Allah l'islam. Certainement, dîn qui auprès d'Allah, c'est dîn islam. C'est-à-dire que c'est le dîn qui Allah Ta'ala reconnaît. C'est din islam, c'est le din qu'Allah Ta'ala content, c'est din islam, din qui définit préparé pour Dimoun. Et din islam, nos bonnes soeurs, il y a un din complète, il y a un din qui couvre tout aspect de la vie Dimoun. Il y a un din complète parce que c'est Allah qui vient préparer sa din là et Allah connaît dans quelle façon Dimoun est là pour vivre au salatier là. Allah Ta'ala connaît dans quelle façon du monde besoin de vivre pour être réussi dans dunya et dans akhirat. Donc Allah qui fin prépare sa dîne islam là, il fin prépare lui complète. Il y a toutes les choses qui nous besoin pour nous réussir dans dunya et dans akhirat. Il y a dans l'islam, nous besoin prendre avec l'islam. Et n'importe qui sont là, qui quitte l'islam, pas le prendre. Une autre façon de vivre, n'importe qui s'en là, qui quitte l'islam pour adopter une autre façon de vivre qui apporte l'islam, veut dire qu'il dit qu'il peut gaspiller sur la ville ou la terre Allah. Parce qu'il dans l'akhirat, il n'est pas mis ben perdant. Allah Ta'ala fait nous connaître sa vérité là. Dans Surah 3, ayat numéro 85, Allah Ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. N'importe qui s'en là, qui cherche un dîn autre que l'islam, pas pour accepter ça avec lui, et dans l'akhirat, il n'est pas mis ben perdant. Donc, nos bonnes soeurs, Allah Ta'ala peut faire nous connaître qui c'est le dîn islam, ça qui garantit nous. Garantie pour nous un succès dans dunya et dans akhirat. N'importe qui dit monde qui adopte une autre façon de vivre à part l'islam. N'importe qui dit monde qui vit d'après une façon qui n'est pas islam. Allah Ta'ala dit Falain yuqbala minhu. Pas accepter ça avec lui. Veut dire qu'Allah Ta'ala pas content de sa façon de vivre. Il n'est pas pour profiter avec sa façon de vivre. Tout bonne démarche qu'il vient faire, tout bonne sacrifice qu'il vient faire, tout bonne dépense qu'il vient faire, toute bonne activité dans la vie, il va vous profiter avec ça. S'il vient choisir une façon de vivre autre que l'islam. Et danger dans l'akhirat, wa huwa fil akhirati min al khasirin. Dans l'akhirat, Allah Ta'ala dit, dans l'akhirat, il n'est pas mis bonne perdant. Il ne perdit tout. Tous ses efforts au final dans la vie, tout bonne sacrifice qu'il vient faire, tout bonne fatigué qu'il vient fatiguer l'eau la terre Allah. Tout cela n'a pas fait une prophétie, non, rien dans l'akhirat, ni parmi les perdants. Donc, nous pensons nous trouver comment il est nécessaire pour nous rester attachés avec l'islam. Il est nécessaire pour nous prendre ce cadeau qu'Allah fait de nous là. Nous prendre comme Allah fait de nous. C'est là qu'il y a nos réussites dans le dunya et dans l'akhirat. Nous visons prendre dans toutes circonstances, dans toute place, et non pas dans certaines places, dans certaines l'air. Allah qui finit prépare sa digne complète là, il n'est pas content si nous prend sa digne là dans certaines l'air seulement. Il n'est pas content si nous prend sa digne là dans certaines places seulement. Comment nous trouvons un paquet, ben musulman. Je parais intéressé avec l'islam seulement dans le mois Ramadan, ou parfois au vendredi. Il y en a d'autres, trouver que l'islam là est praticable seulement dans masjid. Dans masjid, il paraît très religieux, mais en dehors, il y a un réacteur. Qui fait parce qu'il fait mal comprendre sa dîme là. Ou peut-être, il n'est pas même pareil pour prendre dîme là dans sa totalité. Mais nous, mon soeur, nous besoin de demander avec Allah. Qu'Allah Ta'ala donne-nous la compréhension, qu'Allah Ta'ala fait nous comprendre sa vérité là, qui sa cadeau islam qui lui donne nous là, lui un cadeau complet et bien prend lui complet. Bien pas choisir ce qui nous passion ou lui, ce qui nous l'envie ou lui nous prend de sa dîne là et ce qui nous parlait nous rejeter. Non, dans sa façon là, il n'est pas bon. Nous bien prendre l'islam comme un mode de vie complet, qui nous bien applique tout bon principe, bonne manière. Islamique dans tout aspect de la vie. Et pour commencer, nos bonnes soeurs, chacun parmi nous, bien fait et faux pour adorer Allah tous les jours. Le but pour lequel Allah Ta'ala fait créer nous, comme elle dit dans Surah Al-Dhariyat, Surah 51, ayat numéro 56, Allah Ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الله تعالى دي مو با فين كري جن اي انسان اكسبتي بو كي زوت في مو عبادت الله كي في الله تعالى فين كري نو الله كي في الله تعالى فين متنو لو صلاتي الله بو فيف كلك تان سي بو كي نو في سو عبادت اي اند بان فوم دو عبادت كي الله تعالى فين انسينو سي سا عبادت كي في النماز لا Et sa même namaz, sa même forme de ibadat, Allah Ta'ala fin fait obligatoire. Obligatoire. Et nous connaissons qui veut dire obligatoire. Allah qui fin créer nous, c'est lui-même qui fin décrit sa ibadat, la prière, la salat obligatoire dans la vie. Tout le monde qui fin croire dans l'islam, hommes, madame, tout, riche, pauvre, tout le monde qui fin croire dans l'islam, je bisin, adore Allah. Comme Allah fait nous donner sa cinq la prière, cinq fois namaz par jour, tous les jours. Donc nous, mes soeurs, nous nous demandons avec Allah, qui Allah Ta'ala aide-nous pour faire sa ibadat, qui Allah Ta'ala aide-nous pour faire sa ibadat, qui finit faire faraz, nous là, ce qu'on appelle namaz là, qui aide-nous pour faire tous les jours. Et puis, Allah même fin au de nous. Vous pensez beaucoup dans Surah 33, ayat numéro 41, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Eh ben kina iman, pense Allah beaucoup. Eh ben kina iman, pense Allah beaucoup. Allah Ta'ala fait adresser ben kina iman. Ben qui croit dans Allah avec son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ben qui croit dans l'islam, Allah puis adresse Zut. Udhkurullaha dhikran kathira. Pense Allah beaucoup. Non seulement Allah peut donner l'autre pour pense-lui, mais il peut dire pense-lui beaucoup. Mais ça pense Allah beaucoup. Parce qu'Allah Ta'ala connaît qui est un dimoun pour lui vivre dans l'islam, dans tout aspect de la vie. Il faudrait qu'il y ait en contact avec Allah souvent. En d'autres mots, il faudrait qu'il puisse faire zikr Allah. Il faudrait qu'il puisse penser à Allah. Beaucoup, les là qui lui pas intéressé pour prendre l'islam là, comme Allah vient de donner. Les là qui lui pour prendre l'islam là dans tout aspect de la vie. Sinon, s'il vous pense à Allah dans certaines places bien rares, eh bien ça, dit moun là, il n'est pas intéressé avec l'islam. Il n'est pas pour prendre l'islam dans sa totalité. Allah connaît qui quand il y a tentation il y a dans sa dunya là, qui quand il y a quelque chose qui est là pour détourner sa dimoun là avec l'islam, qui quand il y a quelque chose qui est là pour faire sa dimoun là désintéressé avec mode de vie qu'Allah finit préparer. Mais les sa dimoun là, Les sadimoun qui n'ont iman là, ils pensent à Allah beaucoup. Les ils pensent à Allah beaucoup, ils sont contents pour prendre sa cadeau qui Allah fin de ni là. Les ils pensent à Allah beaucoup, ils sont intéressés pour prendre sa l'islam qui Allah fin de ni là. Ils pour prendre dans tout aspect sur la vie. Donc, nos mains sœurs, nos besoins pensent à Allah beaucoup. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fin de nous l'exemple pratique, comment vous pensez à Allah beaucoup. Grand matin que nous levons, ce qui prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Nous pensons à Allah. Première phrase qui nous dit comment nous sommeil cassé avant qu'il nous descende au lit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous remercions Allah qui nous revient nous vivants. Après qu'il nous fait nous dit traverser une étape. À peu près comme à l'amour, c'est-à-dire dans le sommeil. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait faire ça, il fait dire sa parole là, il fait enseigner nous, il dit pareil. Comment nous lever? Première petite chose qui nous fait, nous pensons à Allah. Nous pensons à Allah et nous fait éloge pour Allah. Alhamdulillah, tout éloge pour Allah. Alladhi ahyana, celui qui fait nous vivre, ba'dama amatana. Après qu'il ait fait nous mort, il a eu une chose, et vers lui-même, il n'a pas retourné. Donc nous trouvons, première phrase, première action qui nous fait, là nous lever le matin, c'est nous pensons nous, Allah. Comme ça même, une soeur, pendant qu'il peut faire ce bon travail dans la cuisine, ou bien dans le bassin, il y en a un qui empêche lui pour penser à Allah. Le fait zikr Allah, la bonne phrase que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne. Bonne petite phrase, mais il y a une belle valeur devant Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Et les autres phrases encore que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui montre nous. Et vous prenons cette bonne phrase-là, il n'est pas nécessaire, il n'est pas obligatoire pour un roussal ou bien pour un wuzu. Veut dire, nous bonnes soeurs capables, dans tout moment, capables de penser à Allah. Allah qui vient au-delà de nous, vous pensez beaucoup. Allah dans quelle façon nous pensons beaucoup. Même pendant qu'une soeur peut faire le vase, il peut la blesse, ou bien il peut faire la vaisselle, mais il peut nettoyer la case. Puis il y en a un qui en peut dire, en même temps qu'il peut faire ça le vase là, celui qui est en contact avec son créateur, il peut faire hello son créateur, il peut penser à Allah. Alors ça, une des bonnes façons, comment nous sommes capables de penser à Allah beaucoup. Et pour ça aussi, nous demandons avec Allah, qu'Allah Ta'ala aide nous pour penser beaucoup. Et ensuite, nos bonnes sœurs, prends beaucoup de précautions, vous prenez l'islam, vous prenez l'islam dans sa totalité. Fais attention, panga. Nous prenons une partie d'islam et nous rejetons une partie. Pendant nous intéresser avec une partie et nous pas intéresser avec une autre partie. Si nous avons une seule attitude avec l'islam, eh bien il est dangereux. Mais il n'est pas trop tard pour nous changer d'attitude. Il n'est pas trop tard pour nous réfléchir et nous prendre un islam net. Moi, je veux dire d'un islam et d'une complète. D'un islam et d'une complète. Et étant donné qu'il est complète, il y en a cette façon qu'il est montré nous pour couvrir nous les corps. Donc, un seul divin prend ça en considération. Il dit un islam qui vient montrer lui pour faire ibadat Allah, pour faire namaz, ça même dit un islam qui vient montrer lui comment il vient couvrir sur les corps. Il ne faudrait pas que ça soit là, les stigues est embêté. Par un soi-disant civilisé et pour embêter Bandimoun, pour embêter Bandimoun, je t'appelle Zot artiste, je t'appelle Zot la sirène, je t'appelle Zot star, je t'appelle Zot miss. Il y a un paquet joli, joli titre peut donner pour satisfaire la passion des trois hommes. Et ça, ben, homme qui peut satisfaire là, pour encourager ça, ben, madame là et les autres générations faire pareil, peut donner un bel, bel titre, peut donner un billet avion. Et donne séjour, tant jour dans l'hôtel, dans grand hôtel. Bonne soeur, nous faire prendre beaucoup de précautions. Nous, bonne soeur, nous faire beaucoup de précautions. Pas les gens qui sont embêtés pour savoir une qualité insane là. Ben là, si je peux vivre comme ça, c'est parce que je connais une façon de vivre. C'est parce que je ne peux pas croire dans la façon de vivre qu'ils ont créateurs, qui ont fait des saints, qui ont montré. Nous, bonne soeur, pas les gens qui sont embêtés pour savoir là. Allah Ta'ala fait de nous un islam complet. Un islam complet qui montrait comment il y a aussi besoin couvrir les corps. Fais attention, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître une vérité concernant une catégorie, ben madame, qui jette l'habillement pas propre. Dans un hadith d'un musulman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: صنفان من أهل النار لم أرهما. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: deux catégories d'immun parmi les habitants de l'enfer m'ont pas fin trouvé. Et après ça, il mentionne ça deux catégories d'immun. Mais premièrement, qu'il peut en dire par ça? Il peut en dire que dans cette époque, il n'a pas fin trouvé sa qualité d'immun là, qui vient commettre sa qualité péché là, mais après pour en aller. Parce que ça va nous là pour dans l'enfer. Ça a des catégories du monde là, il n'est pas fini de trouver, mais ça a des catégories du monde là pour dans l'enfer. Qui ça dit là? Un dans ça dit là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Wa nisa'un kasiyatun ariyat. Un ban madame qui est habillé, mais seulement est nu. Nous avons ces paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucune exagération de ce qu'il peut dire. Ce n'est qu'absolument nous avons ceux qui nous croient dans la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Léala qui, dans Tigin des temps, pour un bel changement dans la vie. Si nous prenons cette parole-là, une simple parole, comme la parole de tous les autres du monde, eh bien, nous tentons beaucoup, nous ne pouvons pas profiter. Peut-être nous pouvons profiter bien Tigin. Mais si nous connaissons, nous conscients que sa parole, la parole prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et prophète tout le temps, il vient dire la vérité, il n'est pas fin vin pour embêter nous, il vient vin pour transmettre une vérité, et nous sommes sûrs dans cette parole, c'est à ce moment-là qui nous vous profiter beaucoup avec cette parole. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: une bonne madame qui se habille, mais seulement se tenue. Donc là, nous comprenons qui le prophète vient envie de dire par sa expression-là. Madame, je t'habille. Mais si tant je l'habillement indécent, qui? Moi, je suis tenu. Et ça même, ban habitant l'enfer. Donc, nous, bonnes soeurs, étant donné que ça les concerne, ban madame, chacun parmi nous, bonnes soeurs, mais ça prend beaucoup de précautions. Est-ce qu'il, façon qu'il peut habiller, il y a une façon qui Allah Ta'ala finance, qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finance, il vient prendre précautions. Bangal, il veut mettre un certain habillement. Comment ce artiste habitué mettait? Comment ce telle actrice habitué mettait? Et ce qui est dangereux, si Azodi peut imiter actrice dans Akhirat aussi, ce qui est bien triste, il peut imiter actrice là. Quand actrice là peut marcher, il y a une direction par vers l'enfer, lui aussi pour venir à cette actrice là. Donc, une bonne soeur, prends compte de l'habillement. Prends en compte autres l'habillement. Parce que si l'habillement pas bon, c'est autres les corps qui vont souffrir dans l'akhirat. Si les corps là pas fin couvert, comme un créateur fin houler, les corps là pour souffrir malgré n'importe qui était sa insane là. Donc, besoin prendre précaution. Besoin guetter si pas les corps là fait couvert d'une façon qui ben, forme les corps pas préparer. D'une façon qui Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer le besoin couvert sur les côtes. Et aussi si on est dans un enfant, surtout une petite fille, en train de depuis petit, pour dégoûter l'habillement indécent. Essayez de mettre ça dans votre esprit, faites-vous pour ça dans votre esprit, et développez la haine pour l'habillement haram, afin que les enfants grandissent avec un intérêt pour couvrir toujours sur les côtes, comme son créateur, il dit. Et non pas nous faire admirer ben malpropre de ma revue ou bien de la gazette ou de l'écran. Et nous encourage nos enfants pour admirer sa qualité l'habillement haram là. Ce qui est grave, c'est plus tard, ces enfants-là finissent développer un contentement, un attachement avec sa qualité l'habillement là. Là, il peut dire, ou alors, c'était robe, il a envie de mettre tel qualité l'habillement, qu'Allah finit des femmes. Avec au casse halal, là, c'était. Et il met pression là-haut. Peut-être poussé par l'amour qui est pour lui, ou alors, c'était, ou puis elle prépare au danger pour eux-mêmes. Avant que sa situation-là arrive, entraîne vos enfants, entraîne vos filles, pour content l'habillement qui Allah avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui l'enseigne. Et connais-nous, monsieur, si nous pas entraîner nos enfants dans cette façon-là, c'est pour nos propres avantages. Nous ne pouvons pas rendre personne service. C'est qui nous fait des charges et une responsabilité qu'Allah a fini de nous. Est-ce qu'il nous pas croire qu'il est responsable pour nos bons enfants devant Allah? Est-ce qu'il nous pense qu'il est responsable pour nos bons enfants, juste pour manger et boire, juste pour la santé? Est-ce qu'il nous pas penser qu'il est responsable aussi devant Allah pour l'éducation de ces bons enfants-là? Pour formation islamique pour nos bonnes enfants, pour que nos bonnes enfants gagnent une manière, un comportement islamique, est-ce qu'ils nous paraissent responsables devant Allah? Oui, sans aucun doute. Donc, mon soeur, comprend sa responsabilité là bien, et surtout, pour vous même, prends compte de l'école, quand je vais parler devant un homme étranger, qu'il soit dans la case, ou bien le chemin, veillez qu'ils aient l'habillement d'après comment Allah peut montrer avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sinon ces autres membres dans les cours, autres mêmes qui vous souffrent dans l'akhirat. Nous demandons avec Allah, qu'Allah t'a ouvert les cœurs, que vous comprenez sa parole là, et que vous acceptez et content pour mettre l'habillement qui Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam financé. Et puis, mon soeur, prends précaution pour pas rester seul avec un homme dans une place quelconque. Parce que ça aussi, il n'est pas islamique. Même si on a burqa ou l'écho, ça ne veut pas dire qu'il, point oui, point non, on reste dans une place tout seul avec un homme avec lequel on a un droit faire nikah, on a un droit marier. Ça veut dire un non mahram. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin ziyad un hadith rapporté dans Tirmidhi. لا يخلون رجل بمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. Toujours quand nous tenons parole au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous bonnes soeurs, toujours soit prêt ou accepter parole là. Si Dieu nous fait un commentaire ou bien raconte nous quelque chose, si nous l'avons accepté, si nous l'avons rejeté, mais quand le prophète dit nous quelque chose, nous sommes toujours prêts pour accepter parole au prophète, mon soeur. C'est à ce moment-là que mon fils dit, elle est là qui nous a profité avec parole sa prophète là, qui Allah finit en voie pour guider nous, pour montrer nous le droit chemin, pour montrer nous quelque chose qui vous profite nous dans Dunya et dans Akhirat. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans sa hadith là, un homme paraît tout seul avec une madame, excepté qu'il est troisième bin shaytan. Qu'est-ce que le prophète dit? Un homme paraît tout seul, c'est-à-dire d'une place quelconque, d'une place isolée. Un homme paraît tout seul avec une madame, excepté qui? Le troisième, c'est Shaitan. Et nous comprenons bien, Shaitan, quand il peut participer dans certaines activités, qui qualité d'activité qu'il peut faire? Quelque chose pour faire la plaisir? Non, quelque chose qui peut entraîner nous dans Jahannam. C'est quelque chose-là qu'il peut montrer nous. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit que le shaitan avec sa zombie et sa madame là, il dit que shaitan il peut inspirer tout le mal. Shaitan peut mettre quelque chose qui n'est pas propre dans l'esprit madame là et dans l'esprit zombie là. Shaitan peut inspirer zombie là pour faire une mauvaise intention ou bien avec ce membre dans ce lego pour faire quelque chose qui n'est pas bon. C'est Shaitan qui peut inspirer tout cela. Donc prends précaution. Surtout, nous pouvons dire ça pour toutes les bonnes soeurs. Et nous pouvons dire surtout pour les bonnes soeurs qui mettent burqa. Parce qu'il y en a bonnes soeurs, ils pensent, quand ils mettent burqa, ça veut dire qu'on va dire, ils libres, pas le coup qu'ils voulaient, ils sont aussi les qu'ils voulaient, ils causent avec n'importe qui zoom qu'ils voulaient. Non, les haram, nos bonnes soeurs. Les haram. Burqa, pas un moyen. Pour que ma dire, faire ou sortir dans, en dehors de la case librement ou à le côtouler ou cause avec n'importe qui. Non. Quand une madame qui met burqa, ça veut dire qu'il est libre. Il sortit là qu'il voulait. Les masques qu'il voulait. Il cause avec n'importe qui homme qu'il voulait. À cause d'un burqa là, sur les corps. Non, jamais, il n'est pas comme ça. S'il y en a pour cause avec un homme, donc quand bien nécessaire, ça aussi il prend toutes précautions nécessaires concernant son habillement. Ça, chacun parmi eux, bien prend ça en considération, ces paroles prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et surtout une maladie qu'il y a parmi un paquet de arabes. L'identifie par exemple, une fiancée, et après, on a une jeunesse qui vous fréquente sur la case. Un zénith avec lequel Panko Fénika est fréquenté. Et nous tous connaissons quelle qualité fréquenté. Fréquenté, comment civilisé, fréquenté. Comment y a-t-il civilisé, fréquenté? À ces effectifs-là, tout seul, c'est comme une moins 5. Et si on habite à assisé après un certain temps, capable de prendre aller. Même Panko Fénika, prendre l'aller dans Fensifère, prendre l'aller à l'obo la mer, prendre l'aller dans le jardin, prendre l'aller à l'vacané. Nous bonnes sœurs, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire, Shaitan pas avec zut. Et quand Zénith est venu fréquenter que de son fiancé, son futur madame, zut tout seul dans la sam, Shaitan zut troisième, qui Shaitan peut dire zut? Est-ce que Shaitan peut dire Zénith là? Hein, récite sur la Fatiha avec lui. Est-ce que Shaitan peut dire Tifila? Hein, récite à Tahiyat, Gedis Palikon, à Tahiyat bien. Explique-lui une des paroles concernant Dine. Non, pas ça qu'il y a. Tu te comptes très bien. Shaitan, pour venir dire Zénith là, un get que tu as besoin de place de l'ami. Get qui tu as besoin de guetter, get qui tu as besoin de dire, get qui tu as besoin de penser. C'est ça le travail de Shaitan, nos bonnes sœurs. C'est le travail que Shaitan fait. Shaitan pour montrer nous bon quitte chose. Shaitan pour montrer nous bon quitte chose, même si nous bêtis mettre burkal ou sur les corps. Donc nous besoin prendre beaucoup de précautions. Prends beaucoup de précautions. Pas les snoungs et embêtés pour être soi-disant civilisés. Nous avons un dîne complète et un dîne parfait parce que c'est nos créateurs qui viennent préparer. Un dîne qui, si nous prenons dans sa totalité, profit l'avantage, succès pour nous-mêmes dans Dunya et dans Akhirat, c'est une chose qui ne besoin pas douter. Donc, nous, bonnes sœurs, prends beaucoup de précautions. Prends précautions, premièrement, pour vous-mêmes. Évite. Bonne circonstance, que tu pourrais tout seul avec un zoom d'une place. Et veillez qui ou t'y fie aussi pareil. Ou t'y fie aussi pareil. Ne pas faire tout seul avec un garçon. Même si ce garçon-là, il connaît depuis bien longtemps. Même si ce garçon-là, ce voisin, un bon garçon, mais il n'est pas gagné droit rester tout seul avec lui. Les haram. Shaitan pour venir au troisième et pour dicter le mal. Donc, bonne situation comme ça. Une circonstance comme ça, nous devons éviter. Et puis, nous, mon soeur, prends beaucoup de précautions. Vous contrôlez la langue. Vous contrôlez la langue. Parce que ça, la langue-là, à cause de ça, un membre dans l'école-là, il dit qu'il y a une punition qui sur l'école souffert, à cause d'un membre dans l'école. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître un hadith dans Bukhari rapporté qu'une fois le prophète fait une passe côte des khabar, le prophète fait une passe côte des tombes et Allah ta'ala fait lui connaître qui ça des gens qui dans des tombes là sont dans punition, sont dans azab. Là le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait gagner sa connaissance, fait gagner sa nouvelle là. Il fait une faire bonne sahaba, un des bonnes compagnons qui peut accompagner dans ce moment-là, il fait autres connaît qui est autres là, ça dit du monde qui est dans Kabbalah, autres dans Azab. Et le prophète dit, pas pour un bel péché qui est là dans Azab. Pas pour un bel péché qui est là dans Azab. Et après le prophète expliquait, il dit, quant à un dans sa dé là, il dit, mettre des autres entre des insan. Guide qui action fin faire, qui ne fait rien, mérite punition dans le kabar. Il met des autres. Il a avec un zimoun, il finit en jeli, un tokeni qui l'autre a fin dire pour toi comme ça, comme ça, comme ça. Il ajoute un des mensonges. Il a avec l'autre là, il dit un tokeni, ça constate qu'il est cause avec toi, il rit avec toi, tokeni qui me dit pour toi. Il a les différents entre des zimoun. Et comment il est facile pour pratiquer ce péché là, avec la langue, peine à vous dépenser casse, peine à vous faire. Oui, il est facile, mais c'est mal, il est grave devant Allah. Et grave, dit Allah, jusqu'à tel point qu'à partir d'un qabar, l'insan là va saper avec punition Allah. C'est facile pour pratiquer ce péché-là. Mais, comme ça, il est grave pour Allah devant Allah, qui à partir d'un qabar. Comment ça dit, moi, la fin descend en bas la terre, il commence à goûter mauvaises conséquences de sa mauvaise action-là. Et un autre péché encore, qui dit, on fait avec la langue, c'est ribat. Un péché qui est grave encore, et toujours facile pour faire, ribat. Ribat, moi, nous tous connaissons, c'est cause du mal derrière les douanes du monde. Allah Ta'ala, il fait nous connaître dans le Coran, dans Surah 49, Surah Hujurat, il fait nous connaître qui ça, les haram. Ribat, pas bon. Allah Ta'ala dit, voilà, yagtab ba'dukum ba'da. Faudrait pas qu'il y ait une bande parmi eux de faire ribat pour une autre bande. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah Ta'ala dit, est-ce qu'il y a un parmi eux de content pour manger la chair ce frère qui est mort? Et tout de suite après, Allah même dit, mais c'est une petite chose que je détestais. Allah peut comparer faire ribat avec, comment dire, un démon qui mange la chair ce frère qui est mort. C'est ce que je détestais, c'est-à-dire comment je détestais pour manger la chair de frère qui est mort, comme ça même j'ai besoin de détester pour mal parler de Yesu Lido, pour faire ce ribat. Et ça c'est une action qu'il a l'âme faire, elle est grave, mon bonne soeur. Prends beaucoup de précautions. Viens nous en conversation avec un démon, veillez qu'il nous cause bon quelque chose avec lui. Tout quelque chose qui est profitable, soit profitable pour nous, bien profitable pour ça, du monde là-même. Cause inutile, gaspillage. Pire encore, si on peut faire ribat. Dans le hadith d'un Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْمُتْ. Celui qui a iman en Allah et iman dans le qiyamah d'un jour, qu'il y dit bon quelque chose ou bien il reste tranquille. Quand on a pour causer, cause bon quelque chose. Et si tout bon quelque chose finit, reste tranquille, plus bon, qui va la cause causer inutile. Reste tranquille, plus bon, qui ou pas le faire ribat. Reste tranquille, plus bon, qui va le faire à faire un tel et un tel. Une bonne soeur prend précaution beaucoup, parce qu'il est grave ce bon péché-là. Même qu'il est facile pour commettre. Et beaucoup de gens peuvent commettre lui. Comment nous trouver société puis désirer pas bonne faute qu'il a langue faire. Un tel met tasse l'eau un tel. Un tel peut faire ribat pour un tel. Tout cela, c'est bonne action qu'il a langue faire. Et ce résultat, bonne relation familiale peut désirer. Fraternité islamique peut désirer par bonne action qu'il a langue faire. Donc, nos bonnes soeurs, prends beaucoup de précautions. Allah Ta'ala pas fini de nous la langue pour faire ribat. Allah Ta'ala pas fin de nous la langue pour nous mettre tasse l'eau du monde. Allah Ta'ala pas fin de nous la langue pour mettre des autres en du monde. Mais il de nous la langue pour faire ce élose, pour faire ce ibadat et pour dire quelque chose qui profite pour nous et pour ben du monde. Donc, nous tous, besoin prendre beaucoup de précautions. Quand nous causer, réfléchis bien. Qui causer, qui parole qui nous peut dire, qui information nous peut donner du monde. Si cette information-là est bonne, il va ribat. Il n'est pas tohmat, il n'est pas namima, il n'est pas mettre des os dans des dimons. Nous disons, nous profiter ou bien des gens qui fait cause avec nous, la profiter. Mais si il n'y a aucun profit là-dedans, bien en cause, s'il y a un péché normal, nous devons abstenir, nous devons ramasser nos langues. Nous restons tranquilles, plus bon, même pendant 10-3 minutes consécutives, nous restons tranquilles avec nos compagnons qui viennent contre nous, bien au final contre un dimon. Nous restons tranquilles, nous pas cause quelque chose qui n'a pas besoin, plus bon. Qui ne va pas le faire ribat. Et puis, pour une soeur qui vient de marier, il y a une responsabilité qui se dit, je ne fais l'iconner. Pour une soeur qui vient de marier, il y a un devoir envers ce monsieur. Il a un devoir envers ce bon enfant. Et les besoins fais effort pour accomplir tout ce bon devoir, sinon c'est lui-même qui vous fait dans l'akhirat. Point de ceux qui sont mariés, première petite chose qui est invisible dans la vie conjugale, qui devine une madame, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin qualifié al-mar'atu saliha, qui devine une bonne madame. Quand on dit bon madame, saliha veut dire bon. Mais ici saliha, il ne va pas avec ma saliha qui nous habite là, qui nous est chez nous. Ici saliha, un qui est content pour vivre dans l'obéissance à Allah. Par contre, il n'a parmi nous une saliha qui n'est pas intéressé avec l'obéissance à Allah. Quand le prophète veut dire al-mar'atu saliha, sa saliha là, c'est un qui est content pour couvrir sur l'écho comme son créateur fait montrer lui. Par contre, nous avons une soalia qui est content et qui se pose sur l'écho, un plaisir pour eux quand sur l'écho peut exposer pour banziner, s'admirer. Sans saliha là, c'est un saliha quand l'itan Allah se mu'ezzin peut inviter grand matin à salatu khayrum minan naoum. L'ovites, les dibout pour répondre, l'appel ce créateur. Pas comme un bon saliha qui nous est là, quand pétan assalatu khayrum minan naum, les pédres se camlient un peu plus bien. Sa almarat ou saliha là, c'est un qui, il peut contrôler quelque chose qui se misie bien même dans la case, il bisin juste ce qui est halal, haram, il pas bisin. Il n'est pas pareil comme un bon saliha qui nous est là, qui n'est pas qui se misie pas mené, il peut content, il peut encourager, si fin coquin, amène encore. Si fin zélotri, fin gala moné haram, zoé encore. Si fin ouvert un vidéoclub, ouvert un deuxième, ça, un pas un ban parmi nous, ban soaléa. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith d'un muslim, Ad-dunya mata'a, wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu saliha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dunya lien mata'a. Mata' c'est un mot collectif qui veut dire l'ensemble de petites choses matérielles qu'il y a dans sa dunya là, qui est des gens qui bénéficient, qui profitent et qui jouissent. L'ensemble de petites choses matérielles qu'il y a dans sa dunya là, qui est des gens qui profitent, qui tient plaisir avec ça, qui profitent avec lui, ça s'appelle mata'a. Le prophète dit à dunya mata'a. Dunya là net, tout ce qu'il y a là-dedans, il mata'a. Et après le prophète dit wa khayru mata'i ad-dunya al-mar'atu as-saliha. Meilleur mata'i ad-dunya, c'est une madame qui saliha. Veut dire en d'autres mots, plus bel cadeau matériel qui un homme capable de gagner l'eau, ça la terre là, c'est une madame saliha. Une bonne madame. Une bonne madame, bon, c'est-à-dire d'après ce qui Allah avec son Rasul sallallahu alayhi wa sallam financé, il est bon. Un bon madame, les bisins peut content l'obéissance à Allah avec l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un bon madame, c'est une madame qui peut tirer plaisir dans l'adorer Allah. Un bon madame, c'est une madame qui peut content dans une pratique qui profite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour le faire. Un bon madame, c'est une madame qui peut détester haram. Un bon madame, c'est une madame qui peut content pour les solliciter sale avec haram. Un bon madame, c'est une madame qui peut contrôler ses enfants, qui est content que ses enfants gagnent une bonne manière islamique. Ça, al-mar'atu saliha. Les hommes qui font gagner ça, qui étaient madame là, qui font un plus bel cadeau matériel dans la dunya, seront dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous, demandons ceux qui font marier, faites-vous pour venir ce plus bel cadeau là pour votre monsieur. Et nous, demandons ceux qui, inshallah, pour marier, faites-vous pour venir ce plus bel cadeau là pour votre monsieur. Je fais une récit, réalise ça qui a été la vie là. Je fais une récit, il gagne sa bonne qualité là. Premièrement, l'avantage pour vous-mêmes. Vous-mêmes, vous vivez avec une tranquillité, avec un charme, là, la terre, Allah, pour ça, quelques temps qu'ils peuvent vivre là. Et vous pouvez vivre dans l'akhirat. Et aussi, des gens qui peuvent vivre avec vous, premier vous messieurs, pour satisfaire avec vous, pour content vous. De jour en jour, l'amour pour augmenter, l'affection pour augmenter, pour une coopération. Pour un sentiment, pour une sympathie. Donc, le trouver quand il a avantage, et non, si, une madame, il fait des efforts pour venir sa plus bel cadeau qu'un homme qui a gagné au salatier, al-mar'atu saliha. Pour venir sa qualité là nos bonnes sœurs. Mais c'est qu'on est qui qualité, qui façon, qui mode de vie qui nous dit, nous peut montrer, nous peut adopter. Dans qui façon nous besoin comporter nous? Dans qui façon nous besoin vivre? Sinon, nous mettons un burqa ou l'écho, nous pas pour connaître comment besoin vivre bien pour vivre sa mère à tous saliha là. Si nous faisons namaz, nous pas pour vivre ça à la mère à tous saliha, plus bel cadeau pour nous messieurs. D'ailleurs, peut-être vous connaissez que quand tu es madame qui met burqa, mais seulement, vous êtes messieurs dormis avec l'âme à soir. Qui quand c'est madame qui fait namaz, mais je te sens les 15 autres messieurs. Et je te connais ce que je peux faire. Je te désobéissant envers les autres messieurs. Et pourtant, je parais religieuse. Qui fait parce qui? Une des bonnes raisons. Peut-être je ne pas connais. Dans quelle façon ils vivent, comment Allah fait montrer. Allah pas injuste. C'est ce qu'il fait montrer pour nous l'avantage. Donc, mon soeur, là, nous trouvons la nécessité pour en prendre un peu sa dîne là pour nous connaître comment nous besoin comporte nous. Et puis, une soeur qui est mariée, une petite chose qui est bien toujours visée, c'est plaisir soumissé. C'est une chose qui est bien claire dans l'esprit d'une soeur. Une qui est mariée, ou bien une qui vient le marier, il vient toujours préparé pour satisfaire soumissé. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith dans Tirmidhi il dit: لو كنت امرا احدا ان يسجد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. Si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit si, moi tu donnes l'eau d'un quelqu'un pour faire sijda pour un l'autre, moi tu peux donner une madame pour faire sijda pour ce monsieur. Nous, bonne soeur, pensez un petit guin, l'eau sa parole le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être nous, avec nous l'esprit, nous pensons, mais si tu n'as pas pour faire un sijda pour un kiken, un sijda pas pour adorer, mais un sijda comme dire, pour respecter, nous l'esprit, tu peux dire, nous, mais nous avons besoin de faire un sijda pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui fait un amène islam. C'est lui qui fait une rainter nuit et jour, il fait beaucoup de sacrifices. Il fait souffrir physiquement et moralement pour qu'il s'adigne là propager, afin qu'Azouzi nous fasse gagner avec l'aide d'Allah. Et tu pourrais penser, pour faire sijda, pour lui, Tiboubou, pour faire sijda, pour ça qu'on sait qu'il est fini faire pour nous là. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, qui si moi tu vous donne l'eau d'un quelqu'un pour faire sijda pour un autre, moi si vous donne l'eau d'une madame pour faire sijda pour ce monsieur. Nous, bonnes soeurs, essayez de penser un petit guin aux paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pas les soubiens embêtés, pas bonne soi-disant, bonne qui est libéré, bonne qui dans libération femme. Pas les sous qui embêtés par sa bande là. Je suis libéré à cause, même qu'ils ont une liberté, c'est de faire ça qu'ils sont contents. J'ai envie d'essayer les 15 autres missiles, je vais faire ça qu'ils ont tous les. Pas les sous qui embêtés par sa bande là. Comprends parole prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faire une vision ou dans sijda devant au missiles, pas pour adorer, non, adorer, mais c'est adosis Allah. Mais c'est pour montrer. Comment nous besoin respecter, comment nous besoin respect au monsieur. Alors ça montrait comment nous besoin, madame, surtout al-mar'atu saliha, tout le temps il prie pour satisfaire ce monsieur. Il fait quelque chose pour faire ce monsieur content. Jusqu'à tel point, il besoin vise plaisir ce monsieur. Dans un hadith de Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit: La yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha shahid. إلا بإذن ولا تأذن في بيته إلا بإذن. إن مدام باعين دوا غادروزا، alors qu'ils sont ici la même, c'est déjà sont ici pas en voyage, excepté par permission sont ici. إن مدام باعين دوا غادروزا. Ici c'est rosa nafil, pas rosa faraz. Parce que rosa faraz, ben à pour en permission avec monsieur. Monsieur donne permission, pas donner rosa vis-à-vis garder, parce qu'il obéissance à Allah vient avant. L'autre Allah vient avant, après ça vient l'autre créature d'Allah. Le prophète peut dire ici qu'il y a une madame, il n'a pas gagné droit de rosa, ben rosa n'a fil. Si ce monsieur la même, c'est-à-dire ce monsieur pas en voyage, excepté avec sa permission. Qui fait tout cela, c'est pour montrer que monsieur là, il a une liberté. S'il n'a pas satisfait ce désir, n'importe qui est libre. Et alors, si madame là a l'intention pour garder Rosa, par exemple, En dit au Ramzan, d'un zou yon vigor de rosa, rosa qui prophète fin montré, madame la fin gagne certaine faveur avec Allah, yon vie remercie Allah, yon vie garde un rosa nafil, ou bien de rosa nafil, alors les bisins, demande permission, faire ce monsieur connu. Ça, c'est ce monsieur-là. Mais si ce monsieur, par exemple, en voyage, il fait une quitte Maurice, il a poussé un travail, il finit loin, ou des trois jours, donc là, madame, là, peut n'a pas demandé permission. Si par exemple, monsieur-là finit la réunion, il a fait des trois jours. Ou bien même si par exemple, monsieur-là finit quitte pour lui, disons, je reste pour lui, finit quitte pour lui, finalement, il est beau, et là-bas, d'après un contrat de travail, il n'a pas pour faire une semaine ou bien deux, trois jours. Donc là, pas nécessaire permission, monsieur-là. Mais si monsieur-là, là, alors il a besoin de permission sur monsieur. Et si il pense ainsi qu'il a cité nos bonnes soeurs, pour garder Rosa, il y a un ibad qui est là bien content, même qui n'a fil, un ibad qui est là bien content, mais pour ça aussi, il besoin de permission, monsieur. Tout cela s'est montré, comment il y a une madame, il a besoin de faire sacrifice, il a besoin de faire des efforts pour faire plaisir sur monsieur. Et normal, pour faire plaisir sur monsieur, c'est dans un cadre limite, dans un cadre islamique, c'est-à-dire qui les soumissiers puis de nilo pour faire quelque chose qui est haram, madame là, pas gain droit obéir. Dans le hadith d'un musulman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « La ta'ata fi ma'asiyati Allah, innama ta'a fi ma'rouf » Peine à l'obéissance dans désobéissance à Allah. C'est-à-dire, nous pas gain droit obéir à une créature, à un dimoun, si l'air nous peut obéir à lui, nous peut al désobéir à Allah. Comme par exemple, si un monsieur lié sur madame, donc fini faire namaz, venir se coucher avec moi, lui qui est un peu mal propre à l'écran. Madame n'a pas gagné droit au béali. Si un monsieur donne l'autre avec ce madame, lui dit, un guet la mon gagne l'autre, mon acheté un joli, un bon potion, un beau potion serf, puis un joli carré. Madame n'a pas gagné droit. Monsieur la fin gagne la monnaie haram, finalement la case, j'ai un passé un joli linge, joli récence pour toi linge, étant donné qu'il te cousine pour marier de Kametli. Madame n'a pas gagné droit, mais ça a été linge là, il est haram. Il n'a pas gagné droit au béali, monsieur là. Grand matin, la moisine peut dire salat au khairum menando, madame la peut lever, monsieur la djanou, il y a de pendant demi-temps, tout fatigué, tu n'as la fièvre, pas besoin de lever, il n'y a pas de droit obéir lui. L'obéissance créateur avant et après ça, l'obéissance créature. Donc, quand on peut dire une madame, les besoins visent plaisir sur monsieur, c'est dans une limite. Aussi longtemps qu'il sur monsieur, pas de lui, à faire une petite chose qui en continue. Là, ce monsieur, donne-lui pour faire une petite chose qui est haram. Là, il n'y a pas de droit obéir. Quand nous pouvons dire qu'une madame a besoin d'obéir ce monsieur, c'est ce plaisir ce monsieur, ça ne veut pas dire que madame là est considérée comme un esclave et ce monsieur comme un maître qui, pour donner n'importe qui l'autre, besoin pour donner pour exécuter. Non. Il a besoin de connaître qui ce monsieur, c'est ce monsieur. L'amour et l'affection qui peut attacher. Monsieur là a envie, c'est un plaisir. Il a envie qu'il y ait dit quitter le kaki. Et puis envie que madame la mette tel linge islamique, telle couleur, telle lamotte islamique, madame la bien satisfait, il fait ses faux. Si par exemple, pour certaines raisons-là, madame la pas capable de faire, ou les pas ou les faire ça que monsieur la veut dire, expliquer, faire comprendre. Il fait comprendre. Afin qui il peut prendre en compte désir ce monsieur. C'est avec ça l'esprit-là qui aide madame, les besoins toujours vivre avec ce monsieur. De l'autre côté, un monsieur n'a pas besoin, il n'a pas droit d'être sur madame comme un esclave dans la case. N'importe quand il y a un lot, il y a une question qui donne l'autre, par-ci, par-là, faire ça, pas faire ça, non. Il a besoin de prendre compte que madame là aussi, sa constitution faible, il a besoin de prendre compte ce ban l'étang, etc. Après ça, il donne ban l'autre. Il a envie de manger telle qu'il chose, il a envie de faire telle qu'il chose, il donne ban l'autre. Mais toujours, pas un esprit qui donne l'autre un esclave, mais ce madame. Allah fait mettre l'amour et l'affection entre un monsieur et une madame. Donc, ma soeur comprend ça bien, qu'il a besoin de faire des efforts pour satisfaire monsieur. Sinon, ma soeur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait attendre une nouvelle bien triste, mais il y a une vérité. Dans le hadith de Bukhari, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء وفيت محمد صلى الله عليه وسلم دي مفين جدا جنة مفين تغوب لبوكي سبن أبيتان بن بوف مفين جدا جفي مفين تغوب لبوكي سبن أبيتان سبن مدام Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin sabigitilan ben sûr. Amin iman lo Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sous parole. Sois sûr dans ce qui parole pour ce qui profite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dire. Li papi embête nous. C'est une vérité qui Allah fin fait li connaît pour li fait nous connaît. Il fin transmettre ce message avant qu'il quitte sa dunya là. Prends ce message là en considération pour nos propres avantages dans dunya et dans akhirat. Allah fin montre li Jahannam. Et il fin trouve plus beaucoup habitants Jahannam, c'est bon madame. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ti rahmatul lil alamin. Et il fin gain sa nouvelle là, il fin fait une adresse spéciale avec bon madame. Pas pitié qu'il a pour bon madame, et en particulier pour bon madame dans ce ummat. Il dit dans un hadith rapporté dans Ibn Majah. Ya ma'shar al-nisa. تصدقنا وأكثرنا من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار إيه بن مدام في صدقاء إيه دمان بادون أبك الله بكو بس كي مفين توزت من بلي بكو دان جهنم على كون سيكي نبوفيت محمد صلى الله عليه وسلم بدن بن سير À la vérité qui profite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui fait nous connaît, nous bonnes soeurs, prends ça en considération pour nos propres avantages. Une vérité qui nous fait nous connaît, puis n'a aucun doute là-dedans. Et par pitié qu'il y a pour ce ummat et pour bonne madame de ce ummat qui lui perdrisse un message spécial. Ya ma'ashar al-nisa. Et bonne madame, tasaddaqna. Fais sadaqa, fais la charité. Fais la charité avec ou du bien. Avec ou richesse, avec ou l'argent, pas avec l'argent des autres, pas avec l'argent au messier. Vous tiez dans sa qui ou ina, pas sa grain, même si vous tiez dans bisou, pour faire sadaqa, faire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, tasaddaqna, faire sadaqa. Et ce qui est aussi important, nos bonnes soeurs, écoute bien. Wa akfirna min al istighfar, diman Allah pardon, beaucoup, tant ça m'a beaucoup là, nos bonnes soeurs. C'est le prophète qui dit Akfirna wa Akfirna. Et diman Allah pardon beaucoup. Qui fait Fa inni ra'aytukun akthar ahli an-nar. Parce que vous finissez même plus beaucoup dans Jahannam. Nous, bonnes soeurs, demandons avec Allah qu'Allah ta'ala donne nous vrai iman. Qu'Allah ta'ala donne nous confiance aux paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à ce moment-là qu'il nous tendait beaucoup nous pour profiter. Dans le cas contraire, nous pourrions toujours écouter un paquet, connaître un paquet, mais seulement nous ne l'avons pas sensé. Donc, nous, mansoeurs, prenons beaucoup de précautions. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pas fin dire qu'il tout bonne madame fin condamné pour l'enfer. Non, il ne dit pas ça, lui. Mais il dit qu'il plus beaucoup habitants, Jahannam, madame, il ne dit pas tout. Il veut dire qui, pas nécessairement qui ou trouve dans ça, plus beaucoup là, non. Nous faire droit, nous souhaiter, et aussi faire droit qu'il ne peut pas venir dans sa beaucoup là. Pour pas venir dans sa beaucoup là, le prophète il montrait qu'il bien faire. Qu'on comprend tout, comme une madame musulmane. Connais qu'il y a une musulmane, avant qu'il y ait n'importe qui quitte chose. Ou une musulmane, avant qu'il y ait un intellectuel. Ou une musulmane, avant qu'il y ait un millionnaire. Ou une musulmane, avant qu'il y ait une mauricienne. Ou une musulmane, avant tout. Et pas les sougues invités par ça, man, soi-disant civilisé là, qui veut démoraliser, fin fini. Man, qui la honte, fin fini dans eux. Pas prendre eux comme nous, man, sentions. Pas prendre eux comme un modèle. Non. Fais attention. Prends en considération parole prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Léo prend en considération ces paroles, les là, qui ou pas pour trouver dans sa majorité là. Pas les sougues invités par la majorité, ben, madame, qui peut vivre, l'olaté Allah, dans désobéissance et avec satisfaction. Avec plaisir, avec contentement, pas les souguer embêtés par sa bande-là. Chacun prend ce compte avec Allah ou compte très bien. Même les capables vous serrer dans la case, peut paraître qu'il y a une très bonne majorette, bien bonne miss. Il peut suivre bande-là à la lettre, pas les souguer embêtés par lui. Ou peut-être même si vous maman, il peut penser, il vient pas un artiste, il peut un valet dans la société, pas les souguer embêtés par lui, laisse-lui soit à mal avec lui. Ce qu'il est capable de faire pour lui, c'est conseiller avec les bonnes paroles, ça même tout, pas imiter lui, même s'il vous dit ça. Dans le hadith d'un musulman, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, والمرأة راعية على بيت بعليها ووالده وهي مسؤولة عنهم. إن مدام لكمن غازين على كالس ميسي et pour bons enfants aussi et il peut questionner sur Qiyamah concernant tout cela c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il fait une responsabilité de madame il vient prendre compte la case sur monsieur surtout dans son absence veillez qu'il ne s'est pas fait gâter pas fait abîmer pas fait coquin il panique dans la case quand il finit qu'il mange finir l'assiette qu'il a jeté sur l'école au lili qu'il peut traverser voler puis rentrer ou bien qu'il se sauce dans la coupe puis abîmer par soleil la pluie il a voulu promener. Non, il n'est pas responsable, il peut être questionné pour ça. Gaspillage qui a peine à manger, qui quand il achète tous les jours, puis il était dans des bines, puis il devait manger. Comment ça venait de venir la crème dans des lots, pas prendre en compte. Qui te chose, puis il a gâté, puis gaspillé, pas prendre en compte. Il est grave, il peut être questionné sur le Qiyamah. Et concernant mes enfants aussi, est-ce que mes enfants peuvent gagner manger dans l'air? Je peux gagner manger comme ma bizarre. Est-ce que je peux rester propre pour l'islam et me montrer? Est-ce qu'ils peuvent gagner de part à l'éducation? Est-ce qu'ils en font la plus grande bonne manière islamique? Parce que normalement, dans la case musulmane, un homme reste plus souvent dehors la case, madame reste dans la case. Donc, les enfants qui traversent plus beaucoup de temps avec son maman. Et comment nous connaît, une maman, c'est pour mettre l'école pour ses enfants. Un enfant prend beaucoup avec son maman. Donc là aussi nous trouvons la nécessité qui m'a malade, les besoins gagnent de manière islamique, les mêmes pour les capables de transmettre ça avec ses bons enfants. Les besoins d'un esprit islamique pour les inculquer ça dans ses bons enfants. Les besoins gagnent de manière islamique les mêmes pour qu'ils transmettent ça avec ses bons enfants. Manger avec la main droite, boire avec la main droite, avant manger dire bismillah, après manger dire alhamdulillah, une façon d'homie qui profite puis de montrer, les domis qui besoin faire, qui besoin lire, les élevés qui besoin lire. Comment besoin causer, comment besoin baisser la voix, pas crier, pas zourer. Contrôle langage des enfants, les enfants qui peuvent fréquenter l'école, primaire ou secondaire, puis en prendre une mauvaise habitude. Les enfants l'amènent la case, pour introduire sa même habitude dans la case. Contrôler, empêcher, faire connaître qu'il n'est pas bon, Allah pas connaît, pas content, prophète pas content. Alors ça, c'est devoir, une madame. Mais ça ne veut pas dire qu'un homme qui croise les bras en ce qui concerne l'éducation et manière ce garçon, ce même enfant. Non, les hommes là aussi, non, il n'a pas responsabilité. Il a aussi besoin de faire des efforts, mais comme on nous connaît, un enfant il passe plus beaucoup de temps avec son maman qu'avec son papa. Une bonne madame, une mar'atu saliha, il comprend que tout cela c'est sa bonne responsabilité parce que ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il connaît. Et il a besoin de faire des efforts pour faire tout cela. Et enfin, nos bonnes soeurs, nous demandons avec Allah, qu'Allah ta'ala fait nous comprendre ce qui nous fait entendre et qu'Allah Ta'ala fait nous profiter avec ce qui nous fait entendre. Vraiment, si Allah aide nous pour mettre en pratique cette petite chose-là, nous vous trouverons bien facile, nos bonnes soeurs. Profite l'occasion de ce matin, la nuit qui est restée dans le mois Ramadan. Fais un peu d'ibadat plus. Diminue mon activité dans la cuisine. Diminue mon activité dans la case. Pour gagner un peu de courage. Pour réserver sa courage-là pour mettre dans l'ibadat Allah dans la nuit. Si possible. Surtout, dis-moi pardon beaucoup comment ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait conseil ce wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim wa ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فانصب وإلى ربك فارغب.